الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما زلنا في دراسة مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فهم هذا الكتاب وأن يهدينا إلى الهدى وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. Donc on continue les frères. Et donc on est toujours sur l'explication de la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd. Et on est arrivé lorsque l'auteur dit وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقَ فَيَبِيدُ وَلَا صِفَةَ لِمَخْلُوقَ فَيَنْفَدْ. On est arrivé lorsque l'auteur dit et Allah Jalla wa Ala a parlé à Moïse, à Moussa alayhi salam, par sa parole, qui est un attribut de son essence, non une création parmi sa création. Et il s'est manifesté à la montagne qui devint un amas de poussière du fait de sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc on s'était arrêté là lorsque l'auteur dit Kallama, yani Kallama Allahu Moussa. بكلامه الذي هو صفة ذاته هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. Donc on va continuer maintenant sur l'explication. On va commencer sans plus attendre, inshallah. فقال, donc Cheikh Al-Fawzan dans le commentaire sur ce passage, il dit هذا رد على الجهمية فأسماؤه وصفاته ملازمة لذاته سبحانه لا بداية لها ولا نهاية كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية وصفاته منها ما هو صفة الذات وما هو صفة فعل وصفة الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد فمن صفاته الفعلية الكلام فالله يتكلم حقيقة ويسمع منه الكلام وكلم موسى عليه السلام وسمع كلامه ولذلك سمي موسى كليم الله ويكلم جبريل عليه السلام بالوحي ويسمع كلامه ويبلغه للرسل فهو يتكلم إذا شاء بكلام يسمع وأما الجهمية فيقولون الله لا يتكلم لأن المخلوق يتكلم وإذا وصفنا الله جل وعلا بالكلام فمعناه أننا شبهنا الخالق بالمخلوق فهم لا يفرقون بين الصفات أو بين صفة الخالق وصفة المخلوق فالله يتكلم إذا شاء بكلام يليق به سبحانه وتعالى وليس مثل كلام المخلوق فكلامه صفة له من صفة أفعاله التي يفعلها إذا شاء ومتى شاء وبما شاء لا بداية لكلامه ولا نهاية كسائر صفاته والجهمية يقولون كلام الله مخلوق ومعنى كلم الله موسى عندهم خلق الكلام في موسى وليس المعنى أن الله كلمه حقيقة وسمع موسى كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذا هم يقولون عن القرآن إنه مخلوق وليس كلام الله حقيقة وإنما خلقه الله جل وعلا في لوح المحفوظ وأخذه جبريل في لوح المحفوظ وأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقولون. Donc là, je vous ai lu la partie où que Cheikh il explique donc l'attribut de la parole. Donc vous avez compris. Aujourd'hui, on va expliquer la parole lorsque l'auteur dit que Allah a parlé à Moussa par sa parole, qui est un attribut de son essence, non une création parmi ses créations. Donc on entend bien ici que l'auteur ici réfute la pensée de ceux qui nient entre autres l'attribut de la parole, puisqu'on a parlé dans les cours précédents de cette pensée qui a émergé dans le monde musulman, qui était rapporté par certaines tendances innovatrices, des courants hérétiques, lorsqu'ils ont nié les attributs d'Allah. Et parmi ces attributs qu'ils ont niés, donc, l'attribut de la parole. Ensuite, ça aura des conséquences, comme on va le voir. Il y aura des conséquences, entre autres, parmi ces conséquences, comme on va le voir, il va nous l'expliquer ici le Shir, ils nieront ensuite que le Coran est donc la parole d'Allah. Ils nieront cela et diront que c'est plutôt une création. C'est-à-dire que le Coran, c'est la parole créée, c'est-à-dire que le Coran est créé pour eux, selon leur hérésie. Et de ce fait, donc, on va parler ici de cela, et Cheikh nous dit donc, à travers la parole de l'auteur, on comprend qu'il y a une réfutation à cette tendance de Al-Jahmiya. Les Jahmites, et on avait parlé d'Al-Jahmiya dans les cours précédents, et de certains traits liés à leur histoire. Et à l'histoire de leur émergence, à quel moment ils ont émergé. Et aussi, c'est une réfutation aussi à Al-Mu'tazila. À Al-Mu'tazila aussi, qui ont réfuté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on avait dit, donc, les attributs d'Allah sont éternels. Ils n'ont pas de commencement, ni de début, ni de fin. Cela est éternel. Comme Allah Jalla wa Ala lui-même est éternel. Ni il n'a de début, ni il n'a de fin. Sans commencement et sans fin. Wa sifatuhu minha ma huwa sifatu dhat wa ma huwa sifatu fi'l. Comme on l'a dit dans les cours précédents, on a dit donc, il y a donc des attributs qui sont des attributs liés à l'entité et à l'être, à l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit, il y a des attributs qui sont liés aux actions, qu'on appelle des attributs d'action, et on avait détaillé cela dans les cours précédents. Et dedans, Cheikh va nous dire par exemple, entre autres, que l'attribut de la parole, c'est un attribut d'action, par exemple. C'est un attribut d'action. Donc on a Cheikh Fawzan qui nous explique que l'attribut de la parole est un attribut d'action du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il le veut, il parle. Subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsqu'Allah veut, il parle quand il le veut et de ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut dire, Allah Jalla wa Ala le dit. Subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit donc que les attributs d'action sont liés à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on dit إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَكَلَّمْ تَكَلَّمَا إِذَا شَاءَ. Lorsqu'Allah veut, il parle, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il veut, Jalla Jalalu. Et c'est pour cela que beaucoup de savants ont dit, que l'attribut de la parole est aussi bien un attribut lié à l'entité, un attribut qu'on appelle sifat dhat, comme l'auteur ici le dit, regardez, l'auteur dit, kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifat dhati. Et Allah a parlé à Moussa par sa parole qui est un attribut de son essence. Vous avez vu, l'auteur ici mentionne que c'est un attribut de son essence. Comme aussi c'est un attribut lié à l'action. Un attribut d'action. C'est pour cela que regardez, Cheikh Al-Fawzan dans son commentaire a dit « Wa min sifatihi al-fi'liya al-kalam » et parmi les attributs d'action, la parole. Taïb. Il est considéré, l'attribut de la parole est considéré aussi bien comme un attribut d'essence et comme un attribut de parole. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit. Il est décrit par l'attribut de la parole. Et depuis toujours et pour toujours, Allah jalla wa ala est locuteur. C'est-à-dire, il est locuteur depuis toujours et parle sans fin. Car lui-même n'a ni de début, ni de fin. Donc la parole, l'attribut de la parole, est aussi bien un attribut d'essence comme un attribut d'action. D'essence, pourquoi ? Un attribut lié à l'entité, à l'être. Car Allah en est décrit depuis toujours. Allah, Jalla wa ala, a toujours été celui qui parle, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est décrit depuis toujours par cela. Donc depuis toujours. Et pourquoi aussi c'est un attribut d'action ? Parce qu'il dépend de la volonté d'Allah. Il dépend de sa volonté. Il parle, subhanahu wa ta'ala, quand il le veut, Jalla Jalalu. Donc jusque-là, les frères, c'est simple, hein, vous comprenez. Hein, il n'y a pas de... Vous comprenez. Et sachez, on va essayer de le faire le plus simplement. On va essayer de le faire le plus simplement. Ça, c'est des bases que les savants enseignent. Que les savants enseignent et dont les étudiants, les musulmans qui veulent comprendre en profondeur le domaine, par exemple, ici, on est en train d'étudier le domaine de la croyance, qui veulent comprendre en profondeur le domaine de la croyance, ce sont des sujets dont lorsqu'on veut comprendre en profondeur et maîtriser, donc il faut connaître ces détails et ces explications. Et pourquoi il y a eu des explications de la sorte données par les savants ? Parce que lorsqu'il y a eu l'émergence des différentes tendances innovatrices et l'émergence donc de ces groupes hérétiques, c'est-à-dire qu'on appelle les partisans de l'innovation, lorsqu'ils ont émergé et sont apparus dans le monde musulman, donc ils ont rapporté des nouvelles choses. Des choses que les musulmans ne connaissaient pas. C'est-à-dire des choses dont les musulmans n'avaient pas hérité de leurs ancêtres. C'est-à-dire que les générations qui sont venues ensuite n'avaient pas hérité certaines innovations qui vont se propager dans le monde musulman et qui vont apparaître et émerger. Eh bien, les musulmans n'avaient pas hérité de cela de leurs ancêtres. C'est-à-dire des gens qui les ont précédés et qui sont restés sur les enseignements des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète, qui sont restés sur une croyance pure et saine. Croyance pure et saine. Et de ce fait, lorsqu'ont émergé certaines tendances, certains groupes hérétiques, alors ils ont commencé à spéculer, à traiter de certains domaines, hein. Ils ont commencé à parler dans certains domaines, que ce soit le domaine de l'Iman, par exemple, on parle de domaines liés aux religieux, hein. Alors ils ont commencé à traiter certains domaines comme le domaine de l'Iman, la foi. Quelle était la définition de la foi ? Là, je vous explique ça pour bien que vous compreniez, pour pas qu'on sorte du cours et qu'il reste des ambiguïtés ou des choses incomprises, pour pas que ça soit confus. Il faut bien comprendre. Lorsque les savants ont expliqué de cette manière-là, et ont détaillé de cette manière-là, c'est dû au fait, la cause est que lorsque ces tendances innovatrices sont apparues, ils ont ramené des nouvelles choses. Donc les gens de la sunna devaient répondre et réfuter. Donc cela, ça a donné justement existence à ces détails-là. Mais sinon, la cause, ce sont les innovateurs, les hérétiques, lorsqu'ils sont apparus avec des nouveautés, des nouvelles choses, une nouvelle pensée, une nouvelle philosophie, ces choses qui n'existaient pas, que les musulmans qui ont hérité de la sunna ne connaissaient pas, alors il fallait répondre. Donc il fallait rentrer dans certains sujets dont à la base, les gens de la sunna n'étaient pas rentrés dans ces sujets-là. Vous comprenez ? Regardez par exemple, j'ai donné précédemment l'exemple de l'Iman. L'Iman. Les gens de la sunna étaient toujours sur une conception de l'Iman, cette conception-là et cette compréhension-là de l'Iman qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres. Lorsque sont apparues la tendance et la secte de l'Khawarij, ils ont débattu sur le sujet de l'iman et se sont égarés dans le domaine de l'iman. En pensant, lorsqu'ils ont traité dans ce domaine, lorsqu'ils ont parlé dans ce domaine, ils ont pensé que celui qui commettait les grands péchés capitaux, alors sortait de l'islam. Il ne pouvait pas être musulman. Que cela ne pouvait pas cohabiter. C'est-à-dire, commettre les péchés capitaux, ça contredisait la base et l'origine même de l'iman. Fadallou. Ils ont commencé à propager ça dans le monde musulman. Donc les savants de la sunna étaient obligés de réfuter. De réfuter Al-Khawarij sur cela. Al-Khawarij. Donc de ce fait, les savants expliquaient que Al-Iman, et on le verra lorsqu'on traitera de l'Iman, Al-Iman c'est quoi? C'est la conviction du cœur, c'est la parole à travers la langue, hein, à partir de la langue, et les convictions, ou plutôt les actions à travers les membres. Donc on a aussi bien là la conviction du cœur, le propos, la parole de la langue et les actions. Ensuite sont apparues d'autres tendances qui ont traité dans le même domaine de l'iman, par exemple Al-Murji'a, qui ont donné une définition de l'iman qui était erronée et qui n'était pas en cohérence avec les enseignements des gens de la sunna. Je vous donne ces exemples simples pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre que les savants ensuite de la sunna étaient obligés aussi bien de réfuter Al-Khawarij, étaient obligés aussi bien de réfuter Al-Murji'a, qui pour eux, les actions ne faisaient pas partie intégrante de l'iman, de la foi. Donc leur conception, leur définition de l'iman était erronée. Ensuite apparut aussi Al-Mu'tazila, qui ont innové cette nouvelle chose, cette nouvelle règle, qui pour eux était quelque chose d'essentiel et faisait partie des fondamentaux, ce qu'ils ont dit Al-Manzila Baina Manzilatayn. Et de ce fait, ils ont porté un jugement et une conception et une définition propre de l'iman selon leur définition à eux. Ils ont défini l'iman selon leur compréhension à eux et ont ramené de nouvelles choses. Les gens de la sunna ont tout le temps été obligés de répondre et de réfuter. Domaine pour domaine des noms et des attributs d'Allah. Regardez par exemple. Et là c'est un bel exemple puisqu'on est en train de parler de l'attribut de la parole. L'attribut de la parole. L'auteur nous dit que Allah a bien et bien parlé à Moussa alayhi salam. Et ça c'est connu de tous les musulmans. Allah kallama Moussa. Et c'est mentionné dans les versets. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Comme on l'avait expliqué la fois dernière aussi. Et c'est pour cela que Shir al-Fawzan, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique que même Moussa, du fait qu'il est mentionné dans le Coran, il est célèbre qu'Allah s'est adressé à Moussa et lui a bien et bien parlé. Et donc Moussa a entendu le Seigneur, a entendu Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah jalla wa ala lui a parlé. C'est pour ça que Moussa a été surnommé Kalimullah. Moussa a été surnommé Kalimullah. Taïb. Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. Et ces tendances. Ces tendances qui ont nié, on va dire, ces doctrines. Qui ont nié justement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux ont nié par exemple cet attribut de la parole. Et ont nié le fait qu'Allah avait l'attribut de Al-Kalam. Attribut de la parole. Donc de ce fait, ils vont nier qu'Allah jalla wa ala ait parlé à Moussa alayhi salam. Et plus tard aussi, lorsqu'émergea d'autres doctrines qui, eux, vont, on va dire, revenir à ce qu'on appelle au ta'wil, à l'interprétation, vont avoir recours à l'interprétation, ils vont, eux, dire, on accepte l'attribut de la parole, mais ils vont interpréter l'attribut de la parole. En disant que ce n'est pas l'attribut de la parole comme étant confirmé par les gens de la sunna et du groupe et du consensus. Ces différentes innovations qui sont propagées dans le monde musulman, pourquoi ? Ça a émergé lorsqu'une pensée nouvelle, innovée, est apparue. Ils ont commencé à spéculer, à philosopher d'une philosophie qui n'était pas connue chez les musulmans. Par exemple, parmi les causes de la négation, le fait que pour eux, attribuer et affirmer l'attribut, c'est faire de la similitude et faire ressembler le créateur à la créature, parmi les causes, hein, qui est célèbre. Et aussi, certains ont dit, on ne peut pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Regardez la pensée qu'ils ont eue. Regardez, dans les domaines où ils sont rentrés. Ils ont dit, Si on affirme la parole, l'attribut de la parole, parler, ça sous-entend quoi? Parler, ça sous-entend que pour parler, il faut une langue. Pour parler, il faut des cordes vocales. Pour parler, il faut tous ces outils-là, ou tous ces éléments-là. Or, ils ont dit, on ne peut pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils se sont imaginés ici la manière et le comment. Ils se sont imaginés la parole, l'attribut. Ils se sont imaginés la manière et le comment. Ils ont fait de la comparaison et de là, beaucoup d'entre eux ont abouti à la négation. Qui est-ce qui leur a demandé de réfléchir de cette manière? Donc, vous avez vu, ils sont arrivés à nier, ils ont abouti à cette conclusion qui est la négation du fait qu'ils sont revenus à une pensée, à une philosophie, une sorte de spéculation. C'est ça ce qu'ils appellent, hein, tout simplement ce qu'on appelle la théologie spéculative. Lorsqu'ils sont revenus à cela, ils ont recours à cela, alors là ils se sont égarés. Il fallait tout simplement lire le Coran comme il était lu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lire le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons, comme les compagnons le lisaient. Et lorsqu'ils entendaient ces versets, wa kallama Allahu Musa taklima par exemple, et d'autres versets, hatta yasma'a kallama Allah, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Il y a beaucoup de versets, comme on le verra, il y a des preuves qui confirment l'attribut de la parole. Il fallait lire le Coran, comprendre le Coran comme il est venu, sans rentrer dans ces domaines-là. Wadih al-kalam, vous comprenez? Donc s'il y a certains sujets qui sont traités dans le domaine de la croyance, pourquoi? Parce que lorsque sont apparus ces groupes hérétiques, alors, avec leur nouvelle pensée, alors il fallait pour les gens de la Sunna de les réfuter. Sauf que l'affaire va se compliquer quand ces groupes hérétiques, lorsqu'ils vont apparaître, et là, ils vont parler dans le domaine de la aqida, de la croyance, avec une philosophie qui n'existait pas chez les musulmans. Et vous savez, qui dit philosophie dit polémique, et dit débat, et dit nouvelle pensée. Donc ils ont rapporté des nouvelles pensées, des discours innovés, des discours qui n'étaient pas compris à l'époque par les gens. Et pour eux, sachez que pour eux, ça c'était un ilm, c'était le savoir, c'était la science. Et de ce fait, ensuite, ils se sont égarés. Ils sont allés dans des domaines dont il était défendu. Ils ont pénétré des domaines dont il était défendu pour eux de pénétrer. Et ils sont rentrés donc dans des domaines défendus. Et ils ont outrepassé et dépassé les limites. Et les gens de la Sunna, les grands savants, et en tout temps on a envoyé des réformateurs, des savants qui revivifiaient, qui prêchaient, qui appelaient avec une darwa puritaine. Une darwa puritaine, c'est-à-dire qui appelle à la pureté du dogme et de la religion, est obligé de réfuter, est obligé de répondre, de réfuter. C'est pour ça que vous allez voir certains sujets, vous savez, on ne détaille pas vraiment. Vous savez, si vraiment on détaille les questions, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop rentrer. Lorsqu'on apprend la science, on l'avait pris, Charles Fazan, qu'est-ce qu'il disait au départ? Il faut évoluer progressivement. Faut surtout pas brûler les étapes. N'essayez pas d'aller étudier des domaines. Vous n'avez pas étudié d'abord les éléments et les outils vous aidant à pouvoir comprendre et rentrer dans ces domaines. Ne brûlez pas, il ne faut pas qu'on brûle les étapes. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier et évoluer progressivement. Progressivement. C'est beaucoup, lorsqu'ils ont commencé à vouloir lire dans At-Tarikh, juste dans l'histoire. Lorsqu'ils ont voulu commencer à lire dans Kutub al-Tarikh, ce qui est bien de lire dans l'histoire, le fait qu'ils n'avaient pas des outils, le fait qu'ils n'avaient pas d'abord étudié chez certains savants ou bien écouté des cours dispensés par de grands savants expliquant les bases qu'il faut pour pouvoir déjà commencer à rentrer dans Kutub al-Tarikh. Parce que comment comprendre l'histoire? Comment distinguer entre les histoires, les récits qui nous ont rapportés, ceux qui sont authentiques, ceux qui ne sont pas authentiques? Comment faire la distinction? Comment savoir par quel livre commencer? Je veux commencer, par exemple, à lire dans l'histoire. Je vais commencer à lire dans quel livre d'histoire? Donc il y aura, d'abord ça va commencer à lire dans la biographie du prophète, ensuite il y aura les quatre califes, ensuite il y aura l'histoire des compagnons d'une manière générale, ensuite on va lire l'histoire des différentes dynasties, des différents empires, l'empire Omeyyade, l'empire Abbaside, etc. Donc ensuite, par quel livre commencer? Comment lire? Eh bien ça, tout ça demande une instruction. Ça demande une éducation. Et bien certains, lorsqu'ils sont rentrés dans ce domaine sans avoir les outils et sans avoir une méthodologie nous permettant de bien comprendre le domaine, et bien certains ensuite se sont égarés. De même pour le domaine de la croyance. Quand certains ont pensé qu'ils pouvaient ouvrir les livres de Cheikh Islam Taymiyyah et rentrer et lire Al-Fatawa, Al-Kubra, les grandes fatawas de Cheikh Islam Taymiyyah, dans le loup. Beaucoup se sont égarés. Pourquoi? Parce que préalablement, il fallait l'étude de certains livres, nous aidant plus tard à pouvoir rentrer justement dans ce genre de livres pour pouvoir les comprendre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit précédemment, si on s'approfondit dans le domaine, vous allez voir vous allez voir que c'est large. Et ça a été vraiment détaillé. Vous allez rentrer dans certains livres sur Saint-Témia où ils réfutent, par exemple, les spéculateurs, les philosophes, pour les réfuter, ils utilisent la philosophie. Ils utilisent leur propre philosophie. Et lui a pu les réfuter. Ce n'est pas tous les savants qui ont pu réfuter les philosophes. Ce n'est pas tous les savants. Parce que pour les réfuter, il fallait déjà soi-même comprendre leur conception des choses et comprendre leur philosophie. Et donc avoir des connaissances dans la théologie spéculative. Et ce n'est pas tout le monde qui avait cela. On revient. C'est pour ça que vous allez voir dans des livres de croyances, dans des livres de Aqidah, vous allez voir des sujets qui sont traités. Vous allez voir, dont, comme là par exemple, vous allez voir des formules, des phrases. Par exemple ici que Ibn Abi Zayd dit dans sa Muqaddima, dans son introduction, il réfute. Parfois, c'est des réfutations. Il sous-entend. Il sous-entend des choses. Et en même temps, il nous enseigne. Il nous enseigne à travers ses paroles. Il enseigne des bases essentielles et fondamentales, mais aussi il réfute. Regardez lorsqu'il dit, Allah a parlé à Moïse, à Moussa alayhi salam, par sa parole. Et sa parole est un attribut de son essence. Il réfute qui? Les négateurs. Il réfute les négateurs. Si, c'est toujours ainsi au conditionnel, pour bien qu'on puisse comprendre, il n'y aurait pas eu l'émergence de cette théologie spéculative, de ces négateurs des attributs, les savants de la Sunna seraient restés sur l'origine, sur la base, et ne seraient pas rentrés dans les détails. Mais ces détails-là ont pris forme lorsqu'il fallait réfuter. Parce que les hérétiques, justement, sont rentrés dans des domaines et ont rapporté des questions et des interrogations dont il était nécessaire pour les gens de la Sunna de répondre. Et lorsqu'ils ont répondu, eh ben ça a donné comme on va dire, de la matière. Ça a donné de la matière. C'est pour ça que je vous fais cette introduction pour bien comprendre. Parce que je ne voudrais pas que certains ne comprennent pas. Pour bien comprendre. Donc nous, on va rester sur des paroles très simples. On va rester sur des paroles très simples. En plus, après, plus on évolue dans le domaine, plus on étudie, plus on s'approfondit, plus vous verrez, plus ça va s'élargir et il y aura plus de détails. Il y aura plus de détails. Et c'est pas tout le monde qui réceptionne les informations de la même manière. Alors, je vais vous dire une expression, hein. Je vais vous dire une expression. Je sais pas si on peut l'être. Il y a des âmes qui sont sensibles, comme on dit. Il y a des âmes sensibles. Vous savez, il y en a, ils aiment bien étudier la jurisprudence. Et le fait, par exemple, dans la jurisprudence, il y a des divergences. Ils aiment étudier la jurisprudence. Ils aiment étudier les différents avis. Ils aiment prendre connaissance. Quel est l'avis de l'école des Malikites, des Shafi'ites, de la Hanabila. Ça leur pose pas de problème. Parce qu'ils savent que c'est toutes des écoles sunnites. À la sunna. Elles sont toutes sur la sunna. Et comme dit Cheikh Ibn al-Uthaymeen, on les répète souvent, la base des gens de la Sunna, c'est quoi? C'est d'être d'accord que notre référence, la source, c'est quoi? C'est les textes. Al-Kitab ou Al-Sunna. Toutes les écoles, que ce soit l'école d'Abi Hanifa, d'Ahmad ibn Hanbal, de Shafi'i, de l'imam Malik, sont toutes d'accord que on doit revenir au quoi ? Au texte, au sens kitab et wa sunna. Par contre, comme on avait déjà dit, il peut y avoir divergence de compréhension. On peut diverger dans la compréhension du texte. Mais comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, on peut diverger sur la compréhension, mais on est d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, la base qui est de revenir au texte, de s'attacher au texte. At-tamassuk bil-kitabi wa sunna. At-tamassuk bil-kitabi wa sunna. Comme il dit le fils de Sahib Allah, Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, son fils était un grand imam dans l'aqida. Il a écrit Al-Ha'iyya, quand il dit Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda, wa la takun bid'iyan, la'allaka tuflihu. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله ترجو وتربح تنجو بلتو وتربح فتمسك دي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. Donc lorsque tu t'attaches, tu t'accroches, tu t'attaches au texte, alhamdulillah. Ensuite, dans la jurisprudence, les quatre écoles, par exemple, il y a eu gros d'autres grands imams, hein. Il y a ceux qu'on appelle les sept juristes ou autres. Mais ces écoles qui ont eu du succès, qui n'ont pas été oubliées, donc, mashallah, elles ont prospéré, elles ont été propagées dans le monde musulman. Les imams ne divergent pas sur la base. Et notre aqidah, c'est quoi ? De revenir au texte, c'est le kitab et wa sunna. Maintenant, ils peuvent diverger sur, comme on a dit précédemment, la compréhension. Donc, il peut y avoir des lois divergentes entre différentes écoles. Taïb. Il y a certains qui lisent dans ces livres, ça ne leur pose pas de problème. Ça ne leur pose pas de problème. Au contraire, ils savent que, ils sont basés sur telle preuve. Ils savent parfois que cette école ne s'est pas basée sur une preuve. Du fait qu'ils n'ont pas eu connaissance des preuves, ils étaient obligés de se baser sur une opinion. Tandis que telle école, par exemple, sur ce sujet-là, sur cette question bien précise, elle s'est basée sur les preuves parce que leur imam a eu la preuve, a eu Dalil. Donc sur cet avis-là, et sur cette question-là, on va revenir à l'avis de tel imam de telle école parce que elle est plus proche du Dalil. L'avis est plus proche plutôt du Dalil. Mais il y en a d'autres, donc ça pose pas de problème. Au contraire, il y en a quand ils étudient la jurisprudence, tellement ils lisent dans les différents avis, les preuves, la manière de déduire, la déduction, la méthodologie pour extraire justement, faire l'istinbat et autres. C'est tellement intéressant que les étudiants et avant eux les ulama trouvent un délice. C'est un délice d'étudier ces questions-là. Il y en a d'autres, non. Du fait qu'ils n'ont pas d'outils, n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas commencé à étudier ça, ils voient sur une question trois avis, quatre avis, ils sont perturbés. Alors eux, on leur dit restez sur l'avis d'un savant. Avis d'un savant. Se perturbe pas. S'ils voient qu'ils n'arrivent pas à comprendre la base de ces différents avis ou autres, alors ils ne rentrent pas dans ce domaine. Vous comprenez ? Et comme cela, donc les sciences, ça s'apprend progressivement. Il ne faut pas brûler, comme on dit, les étapes. Ici, on va rester sur un discours très simple, comme le fait Cheikh Al-Fawzan. Alors, il nous dit donc, Allah Jalla wa Ala a bien et bien parlé à Moussa. Pour cela, on accepte l'attribut de la parole. L'attribut de la parole. Et la parole, comme on l'a dit précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala a été décrit de la sorte comme étant locuteur depuis toujours et il parle sans fin. Car lui-même n'a ni de début ni fin. Il est éternel subhanahu wa ta'ala. Et de même, sa parole n'a donc également pas de début ni de fin. Et Allah jalla wa ala parle quand il le désire, quand il le veut subhanahu wa ta'ala de ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme c'est la règle pour tous les autres attributs, on l'attribue et on l'affirme, hein, on affirme cela comme il convient à sa majesté et comme il convient à sa magnificence. Subhanahu wa ta'ala. Rien n'est semblable à lui. Toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'on garde à l'esprit, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on les affirme, on reste sur quatre règles. On s'abstient du ta'til, du tahrif, du takyif et du tamthil. C'est-à-dire, on s'abstient de toute négation, de toute falsification, de chercher le comment, la manière et le comment, ou bien de faire de la similitude, de la comparaison. Tout simplement, pour tous les attributs. Et lorsqu'ensuite, certaines doctrines, lorsqu'elles ont émergé, certains ont dit, bon, on ne va pas faire comme le Mu'tazila, on réfute le Mu'tazila dans leur négation des attributs. Par contre, nous, on en affirme, mais un nombre limité. Par exemple, lorsque sont apparues certaines doctrines, ils ont dit, nous, on affirme 7 attributs. D'autres ensuite ont divergé avec eux, et c'était la doctrine de l'Ash'ariyya. Parmi eux, ceux qui affirment 7 attributs, l'Ash'ariyya ou al-Maturidiyya, avec l'émergence de l'Kullabiyya aussi, et parmi eux, ceux qui affirment 13 attributs. 13 attributs. Les savants leur ont dit, comme vous avez affirmé 7 ou 13 attributs, affirmez le reste. Pourquoi vous avez fait la distinction entre ces attributs et d'autres attributs? Comme vous avez affirmé 7 attributs ou 13 attributs, où est votre preuve? Où est votre preuve? Qu'il ne faille que accepter, confirmer, affirmer 7 ou 13 attributs. Où est votre preuve sur ce nombre? Et ça, c'est important de le savoir, puisque on a à l'heure actuelle, par exemple, en France, des calendriers qui se propagés par Jamaat al-Ahbash, par le groupe des Ahbash, par exemple, que ce soit dans des calendriers, ou même des fois, et ça, c'est un rappel à faire pour beaucoup de gens qui prennent leur science sur Internet, faites attention, souvent, vous avez accès à des sites qui sont des sites justement gérés par ces groupes, par des négateurs ou ceux qui interprètent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les acceptent pas comme ils ont été acceptés par nos pieux prédécesseurs. Et bien parfois dans ces sites, vous allez voir que les premières choses qu'ils enseignent, c'est d'affirmer 13 attributs. C'est les premières choses qu'ils enseignent. Les premiers enseignements, les gens, lorsqu'ils commencent dans ces groupes, tu dois affirmer 13 attributs. Et vous allez même voir dans ces sites, parfois ils disent, selon la croyance des gens de la sunna. Le sunnatu wal jamara. Et c'est pour ça que beaucoup ensuite se font tromper. Et première chose qu'ils apprennent, c'est d'affirmer 13 attributs. Qu'est-ce qui vous a dit qu'il n'y avait que 13 attributs? Pourquoi vous avez limité les attributs d'Allah à 13? Et pour certains autres, à 7. Les savants leur ont dit, comme vous avez affirmé 7 ou 13 attributs, vous devez affirmer le reste. Et là, c'est l'une des grandes contradictions de ces doctrines, c'est le fait d'affirmer une partie et de délaisser une autre partie. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd? Est-ce que vous croyez une partie du livre et vous délaissez une autre partie, vous mécroyez une autre partie du livre? Et ça fait partie des grandes contradictions. Nous, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même dans ce Coran. C'est ce qu'on a hérité de nos pieux prédécesseurs, c'est une ni'ma. C'est un grand bienfait. Tout simplement. وَلَا نُعَطِّلْ وَلَا نُحَرِّفْ وَلَا نُكَيِّفْ وَلَا نُمَثِّلْ بِلَا تَعْطِلْ, premièrement, بِلَا تَحْرِفْ سَوَانْ كَانَ فِي الْمَعْنَى أَوْ فِي اللَّفْظ وَلَا تَكِيِّفْ وَلَا تَمْثِلْ. Tout simplement. Ensuite, pour avancer, donc l'auteur a fait allusion au fait que, à l'histoire lorsque Allah Jalla wa Ala a parlé à Moussa. Et Naram, il fait même allusion ensuite lorsqu'il dit que, regardez, et il s'est manifesté à la montagne qui devint un amas de poussière du fait de sa majesté. Donc il fait allusion à l'histoire. Lorsque Moussa alayhi salam, voulait voir Allah. Lorsqu'il est parti, justement, à cet endroit où il entendit Allah subhanahu wa ta'ala et la parole d'Allah, regardez, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, justement dans l'histoire de Moussa, فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا فِي سَوَاتِ الْأَعْرَفِ, le verset 143. Et là, vous avez vu que l'auteur Ibn Abi Zayd a fait référence, a fait allusion à ce verset. Lorsqu'il dit que Allah Jalla wa Ala s'est manifesté à la montagne qui devint un amas de poussière du fait de sa majesté, vous avez vu, il fait allusion ici au verset. Au verset, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ, lorsque son Seigneur s'est manifesté, traduction relative, لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا, la montagne est devenue un amas de poussière, détruite en poussière. Quand est-ce que لِأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ, parce que Moussa, لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ رَبِّي اشْتَاقَ لِرُؤْيَتِهِ, parce que Moussa, lorsqu'il a entendu la parole de son Seigneur, il avait un profond désir de voir son Seigneur. Moussa, il voulait voir Allah. Il voulait voir son Seigneur. Vous imaginez, Moussa entend son Seigneur. il entend la parole d'Allah. Il entend Allah Jalla wa Ala qui s'adresse à lui. Yukallimu. Tayyib. Le fait de dire qu'Allah a parlé à Moussa, on a le droit de le dire, de ne pas le dire. Chez les négateurs, vont dire là. Vont dire là. Chez les négateurs. On va leur dire, vous niez ce qu'il y a donc dans le Coran. C'est Allah qui dit qu'il a parlé à Moussa. Ceux qui ont interprété, eux ensuite n'ont pas voulu nier. Ils ont dit, on ne peut pas nier l'évidence. Ces doctrines qui font du ta'wil, ils ont dit, on ne peut pas nier l'évidence. Donc, Allah a dit, wa kallama Allahu Moussa taklima, dans un verset, wa kallamahu Rabbu. Donc, ils n'ont pas pu nier l'évidence. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont alors essayé d'interpréter, trouver une parade. S'ils ont dit, non, en fin de compte, la parole, ils disent, il y a deux sortes de paroles. Il y a une parole externe et il y a une parole interne. Il y a une parole externe faite d'énoncer et de lofz avec une voix, saut, waharf, et des lettres. Et il y a une parole interne. On pourrait réduire cette parole à une sorte de pensée interne. Une sorte de pensée interne. Et ils ont dit, bah, c'est ça. La parole d'Allah, c'est la parole interne, en réalité. Et le Coran, en réalité, c'est l'expression de la parole d'Allah. Ils ont essayé de trouver une parade en disant, en réalité, comme c'est connu de l'Kullabiyya, de l'Ashar, ils disent, en réalité, c'est la parole d'Allah, on l'affirme, mais c'est une parole interne. Comme si elle serait réduite à une pensée interne. Et que le Coran, alors, ça serait Hikayat an kalamillah. Ça serait l'expression. Hikayat an kalamillah. Ça serait l'expression de la parole d'Allah. Taïb. Man qala lakum hada? Man dalilukum? Qui est-ce qui vous a dit ça? Man dalilukum? Quelle est votre preuve? Ça, c'est venu plus tard. Ils n'ont pas voulu nier l'évidence, mais ils ont cherché l'interprétation. C'est ça, les frères, ce qu'on appelle la spéculation. Maintenant, vous avez un exemple de spéculation, de philosophie. Lorsqu'on spécule, c'est ça la théologie spéculative. Eh bien, Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il s'est adressé à Moussa, il lui a parlé. Alors Moussa voulait voir son Seigneur. Il voulait le voir. Faqala, Rabbi arini, anzur ilayk. Il dit, oh Seigneur, fais que je puisse te regarder, te voir. Fais-toi montrer à moi. Allah Jalla wa Ala lui dit, قال الله لن تراني لن تراني أي لا تطيق رؤيتي. Allah lui a dit, tu ne me verras pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité. Il est impossible pour toi de me voir. Tu ne pourras pas. Lan tarani, tu ne me verras pas. Faqala shir wa arada subhanahu wa ta'ala an yubayyin lahu annahu la yutiquha bima yahsul lil jabal idha tajalla Allah la subhanahu wa ta'ala. Et Allah ici a fait comprendre à Moussa qu'il ne pourra pas le voir. Pourquoi? Car lorsqu'Allah jalla wa ala apparaîtra, eh bien, la montagne deviendra un amas de poussière. Et cela indique l'immensité, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la montagne, vous avez vu, hein, son devenir, même la montagne ne pouvait pas. Et de ce fait, le shir ici, donc vous avez vu, on a avancé un peu, parce que j'ai lu une bonne partie. On a avancé un peu pour pouvoir avancer dans le commentaire. Donc ceux qu'on le livre, on est toujours à la page 54, hein, ceux qui suivent en arabe, ce que nous explique Cheikh Fawzan. Donc il nous dit, donc lorsqu'Allah Jalla wa Ala lui dit, tu ne me verras pas. En l'occurrence, vous avez vu, on a la particule de négation, hein, en arabe, len. Len. Et c'est pour cela que les tendances hérétiques, hein, certains innovateurs se sont servis aussi de ce verset pour nier d'autres choses qui sont confirmées dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple. Par exemple, et vous allez voir, ça a eu même une incidence dans la langue arabe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que le jour de la rétribution, dans l'au-delà, les croyants, après qu'ils vont connaître la grande récompense et la félicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils seront rentrés au paradis, il y aura encore une plus grande récompense que celle-ci. Et la plus grande et l'ultime récompense, ça sera de voir Allah subhanahu wa ta'ala. De voir Allah. Et là, ensuite, Allah jalla wa ala, eh ben, lorsque les croyants, ses serviteurs seront entrés au paradis, eh ben, fera qu'il y aura l'immense récompense et l'ultime récompense de le voir. C'est ce qu'on appelle ru'yatullah, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même le prophète, un jour qu'il était avec ses compagnons, et alors qu'ils étaient dans une nuit bien sombre, il y avait la lune là-haut, le prophète ensemble leur dit qu'ils le verront comme ils voient la lune, dans une nuit bien sombre. Donc c'est affirmé. C'est affirmé. Et dans le Coran, c'est affirmé aussi. Il y a des versets qui démontrent, hein, qui stipulent bien que les croyants qui auront cette immense récompense qu'ils seront entrés au paradis, ensuite ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certains qu'on y ait cela, ils ont dit non. On n'accepte pas cela. Et ils se basent aussi parmi leurs preuves, ils se disent Len tarani. Lorsqu'Allah il a dit à Moussa, tu ne me verras pas. Et ils disent le len dans la langue arabe, ça veut dire pour toujours. C'est une négation, même dans le futur et pour toujours. Or, c'est faux, c'est pas l'île Abed. C'est pas pour toujours. C'est-à-dire que tu ne me verras pas là, mais ça ne sous-entend pas ou ne contredit pas, ça nie pas le fait que dans l'au-delà, les croyants, lorsqu'ils seront rentrés au paradis, verront Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que juste dans la langue arabe, la particule len, c'est de la particule de négation du futur. Lorsqu'on veut, par exemple, exprimer une négation dans le futur, par exemple, je n'irai pas. Len adhaba. Len adhaba. Donc, len adhaba, en mettant la fatha à la fin, hein, ça veut dire je n'irai pas. Mais tu nies donc dans le futur que tu iras à tel endroit, par exemple. Donc, ça peut être une négation d'un futur proche. Mais ça ne veut pas dire que tu n'iras jamais. Que tu nies adhab à jamais. Là. Selon la parole, par exemple, des Mu'tazila qui, eux, comprennent le len comme étant la négation dans le futur, mais pour toujours l'île abed à jamais, eux, ça veut dire que tu n'iras jamais. Et ça, c'est pas authentique. Al-Muhim, on revient. Shir nous dit, Allah ensuite dit à Moussa, Unzur ila al-jabali, fa'in istaqarra makana, fasawfa tarani. Alors il lui dit, regarde vers la montagne. Et si tu vois que la montagne, traduction relative, hein, reste stable à son endroit et elle reste stable, alors il dit, fasawfa tarani. Certes, tu me verras. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Et c'est là ensuite, lorsqu'Allah dit le verset, lorsqu'Allah dit, mais lorsqu'il est apparu, alors, comme le dit l'auteur, lorsqu'il s'est manifesté à la montagne, elle devint un amas de poussière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alors, Cheikh nous dit, il fait référence à ce verset, donc il explique l'histoire, puisque l'auteur, lui, a fait référence en réalité au verset, en disant que, justement alors, lorsque Moussa a demandé à Allah Jalla wa'ala qu'il le voie, alors Allah Jalla wa'ala lui a dit, regarde vers cette montagne. Et si ce Jabal, cette montagne, reste stable à son endroit, alors tu me verras. Traduction relative. فَإِنْ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Mais Allah dit فَلَمَّ تَجَلَّ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Mais lorsqu'Allah se manifesta, alors la montagne devient un amas de poussière. C'est-à-dire, le Cheikh nous dit أي ارْتَجَفَ الْجَبَلُ وَتَحَوَّلَ إِلَى تُرَابٍ. C'est-à-dire que la montagne, lorsqu'Allah جل وعلا s'est manifesté, la montagne a commencé à trembler et ensuite elle est devenue tourab, c'est devenu de la terre. Et de ce fait, lui, Moussa, Allah dit ensuite, et Moussa ensuite, il est tombé sa'iqa. Un effroi, une crainte d'Allah a pris Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a vu cela. C'est-à-dire, il a vu l'immensité, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومما يعتقده أهل السنة والجماعة. Ensuite, الشيخ nous dit, ومما يعتقده أهل السنة والجماعة. Il dit, أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود والقرآن الكريم فرد من أفراد فرد من أفراد كلام الله جل وعلا. لأن جنس كلام الله جل وعلا لا ينفد وهو الكلام الذي يدبر به مخلوقاته بأوامره ونواهي. لا بداية له ولا نهاية له فهو قديم النوع حادث الأحد بمعنى أنه يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء وكيف شاء في الأزل والأبد ودائما وأبدا فكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الفعلية التي يفعلها متى شاء فكلام الله من جملة صفاته الفعلية. Et vous avez vu ensuite, Cheikh nous explique donc. Il nous explique que de ce fait ensuite découle une question très importante. Si on a appris maintenant que Allah Jalla wa'ala a l'attribut de la parole, et s'est attribué donc l'attribut de la parole, et s'est prouvé lorsqu'il a parlé à Moussa subhanahu wa ta'ala, donc il y a la question aussi, donc ensuite une autre question qui découle de cela, le Coran est donc la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Pour ça, l'auteur ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Wa anna al-Qur'an kalam Allah, laysa bimakhluq fayabit, wa la sifatu li makhluq fayanfad. » Pour cela, l'auteur ensuite, il continue, il dit, Ibn Abi Zayd, « Le Coran est la parole d'Allah, il n'est pas créé, car il serait périssable, et n'est pas l'attribut d'une créature, car il sera éphémère. » C'est pour, et ça, c'est la croyance, et ça, c'est la croyance qu'on a héritée de nos vieux prédécesseurs. C'est pour ça, même tout à l'heure, lorsqu'on a cité Ibn Abi Daoud dans le Hayya, dans son poème, il le dit aussi. Il affirme cela. Lorsqu'on avait dit tout à l'heure, lorsqu'il dit Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda, wa la takun bid'iyan allaka tuflihu, wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, wa qul ghayru makhluqi kalami malikina, bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu. Vous avez vu, il le dit, hein? C'est le fils de Abu Daoud, Sahib al-Sunan. Wa qul ghayru makhluqi kalami malikina. Et dit, il professait que la parole de notre Seigneur, le souverain, le roi, n'est pas créée. La parole d'Allah est incréée. Le Coran est incréé. Le Coran huwa kalam Allah. Lorsqu'on récite le Coran, on récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, l'imam Ahmed, par exemple, l'imam Ahmed a préféré les supplices et l'emprisonnement que que dire que le Coran était créé. Et nier le fait qu'Allah parle et le fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a préféré être emprisonné et subir les supplices de la prison à l'époque. Comme on avait dit aussi pour Nu'aym ibn Hammad, le shir de l'imam al-Bukhari, comme on avait dit Nu'aym ibn Hammad, Nu'aym ibn Hammad, lui, lorsqu'ils lui ont dit de professer que le Coran était créé et que c'était une création et non la parole d'Allah, il n'a pas voulu. Et de ce fait, il a été menotté, enchaîné, emprisonné, et il est mort, emprisonné et menotté. Wahakada. Ils n'ont pas voulu dire cela. Lesh, limada, liana al-Qur'ana huwa kalam Allah, wa kitab Allah, wa qala al-shaykh, wa min ahadihi al-Qur'an al-Karim, wa al-kutub al-munazzala, ala rusuli, fallahu takallama bil-Tawrah, wa bil-Injil, wa bil-Qur'an, wa takallama bil-kutub al-munazzala. ويكلم من شاء من عباده كما يشاء سبحانه وتعالى فيجب الإيمان بذلك وأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة لفظا ومعنى وبخلاف قول الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله كما ينفون عن الله سائر الصفات ويقولون إن كلام الله مخلوق خلقه الله إما في لوح المحفوظ إما في جبريل وإما في محمد وموسى وعيسى فهو من جملة مخلوقاته وهذا قول باطل. Pour terminer, regardez, le Cheikh nous dit que aussi bien le Coran ou tous les livres descendus, c'est la parole d'Allah. Il dit la Torah, at-Torah, ce qu'on appelle at-Torah, c'est la parole d'Allah. Al-Injil, ce qu'on appelle al-Injil, qu'Allah fait descendre, c'est la parole d'Allah. Al-Qur'an huwa kalam Allah, wa at-Tawrah kalam Allah, wa al-Injil kalam Allah. Takallama bil kutub al-munazzala. Tous les livres qu'Allah Jalla wa Ala a fait descendre, c'est sa parole. C'est la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimu man sha min ibadihi. Et Allah a pu s'adresser à qui il veut parmi ses serviteurs. Parmi ses serviteurs. Alors c'est pour cela qu'il nous incombe de croire en cela. Cheikh nous explique qu'il nous incombe de croire en cela. Regardez ce qu'il va dire. Alors certains, lorsqu'ils ont nié cela, ils ont dit que non, en réalité, c'est la parole créée. C'est-à-dire que soit Allah, il a créé, et il l'a mis fi lawh al-mahfouz, dans la table préservée. Ou, pardon, la table préservée. C'est faux. Ou bien, il l'a mis dans Jibril. Il l'a créé et il l'a mis dans Jibril. C'est faux. C'est faux. Tout cela est faux. C'est-à-dire que Jibril, il a entendu Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Jibril a transmis le Coran à Mohammed, au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Jibril, il a bien et bien entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, kalam Allah. Wallahu jalla wa'ala takallama bih. Et Jibril l'a entendu et ensuite il l'a transmis au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et lorsque vous lisez Kitab Allah, c'est pour cela que là. Et là, ça nous donne, et on va terminer sur ça. C'est là que ça nous fait réfléchir et ça nous fait méditer. Lorsque on récite le Coran, on est en train de réciter la parole d'Allah. Lorsque vous l'écoutez, par exemple, sur Salawat, l'imam, إذا قرأ بسورة الفاتحة مثلا, lorsque l'imam il récite الفاتحة, c'est quelque chose d'immense. Il récite كلام الله. Il est en train de réciter la parole d'Allah. Et les fidèles qui sont derrière, ils sont en train d'écouter la parole d'Allah. C'est pour cela que dans le Coran, Allah dit, et lorsque la parole d'Allah est récitée, il faut quoi? Il faut écouter. C'est ça le respect qu'on doit. Lorsqu'on prie derrière l'imam et l'imam récite Kitab Allah, il récite la parole d'Allah, les fidèles sont derrière et ils écoutent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que hadith salawat, ces prières-là, c'est une ni'ma min ni'amillah. D'accomplir ces prières-là, c'est une ni'ma min ni'amillah, et il nous faut du khushu'. Il y a des gens qui, lorsqu'ils prient, ils vont avoir de leur prière que peut-être le tiers, ou le quart, ou le cinquième, ou le sixième. Plus on est concentré dans la prière, plus on médite, plus on réfléchit, et plus on a la complétude et la plénitude de la récompense. Wallahu a'lam. Nukmil inshallah al-kalam fi yawmi ghad. Inshallah wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.